Headline d'Alexandra Badea. I am here to speak for all generations to come. Réalisation Baptiste Guiton. I am here to speak on behalf of the starving children. Quatrième épisode. Quelques mois avant une nouvelle conférence sur le climat, une négociatrice et un ministre de l'écologie se lancent dans la course pour sauver le monde. Ou plutôt pour sauver leur monde. Elle négocie la red line de la contribution nationale avec les chercheurs. Lui rencontre les lobbies de l'industrie et apprend que tout a déjà été joué à un autre endroit de son gouvernement. Elle est devant les portes de l'ascenseur. Elle rentre au ministère après sa pause déjeuner segmentée. La même question lui tourne dans la tête. Comment glisser une idée révolutionnaire dans son texte pour se faire remarquer, pour se faire saluer, monter en grade? Depuis le début de sa mission, une peur nouvelle la guette. Ratée. Passer à côté de quelque chose, louper l'opportunité. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, elle entre, et au moment d'appuyer sur le bouton, elle voit son ministre courir vers elle. Pourquoi il prend pas l'escalier ? Elle a presque envie de lui fermer les portes sous le nez en faisant semblant de ne pas l'avoir vu. En politique, ça ne se fait pas. Il la remercie d'un geste de la tête. Les portes se referment. Ils ne sont que deux et leurs reflets démultipliés dans les vitres. Pourquoi vous avez refusé de rencontrer le groupe d'industriels ? J'avais annoncé publiquement que je ne rencontrerais aucun lobby. C'est ma red line à moi. Elle sourit pour désamorcer ce début de conflit. Ça ne l'émeut pas. Au contraire. Il s'énerve encore, mais il le cache bien. Il n'y a que la veine fine transversale de son front qui commence à palpiter progressivement. Écoutez déjà, ce n'est pas un lobby. Ce sont les industriels mêmes qui sont venus. Pour faire pression, je le sais. Ce sont nos partenaires. Ils soutiennent financièrement nos programmes, nos conférences, toutes les campagnes de sensibilisation du ministère. Vous avez lu la brochure ? Oui. Vous avez donc dû voir leur sigle sur la quatrième de couverture ? Oui. Et vous connaissez sans doute les conditions ? Quelles conditions ? Quelqu'un qui soutient un programme par un financement a aussi une contrepartie, non ? Je ne vois pas en quoi. Vous devriez réviser vos notes. Vous pensez que c'est la défiscalisation qui les intéresse ? Doit-on financer Amnesty ? Que c'est pour avoir le logo sur nos brochures que personne ne lit ? Ou des invites à nos cocktails pourris ? C'est écrit noir sur blanc. Une participation à un dialogue privilégié avec le ministère. Oui, mais moi je ne suis pas le ministère. Le ministère, c'est vous. Il se tait. Sa veine pulse encore plus que tout à l'heure. Elle a marqué un point, mais il ne va pas céder là-dessus. Il va l'avoir à la fin. C'est lui le pouvoir légitime. Je vous invite à relire votre fiche de poste. Vous avez un mandat donné par le Premier ministre et vous êtes sous la tutelle de mon ministère. Il faut me consulter avant de telles décisions. En même temps, vous étiez présent à mon investiture. Vous avez applaudi mon discours. J'avais répété plusieurs fois que je ne verrais pas les lobbies. Et vous croyez qu'on est là pour écouter vos discours ? Là, je devrais payer vos pots cassés devant le Premier ministre et franchement, j'aurais d'autres urgences à gérer. Mais vous n'êtes pas mon père. Je suis majeure. Je peux me défendre seule. Qu'il m'appelle s'il a quelque chose à me reprocher. Les portes s'ouvrent. Ces mots lui ont échappé. Elle ne sait même pas comment elle a eu l'audace de les laisser se déverser. Il les a pris en pleine figure. Surtout en ce moment de fracture émotionnelle, quand sa femme lui reproche à la fois son attitude paternaliste et son manque d'engagement familial. Il ne comprend plus rien aux femmes. Et pour consolider quand même sa position fragile, il lance une dernière flèche. J'attends la version définitive demain matin. Elle pousse la porte des toilettes. La première porte à pousser pour s'esquiver. Elle s'enferme dans une cabine et elle respire enfin. L'impression de sortir d'une longue apnée. Elle a envie de pleurer, mais ça fait longtemps qu'elle s'est promis de ne plus pleurer dans les toilettes des institutions publiques. Elle sort mécaniquement une boîte en carton de son sac. Elle enlève l'emballage. C'est le test de grossesse qu'elle vient d'acheter pour apaiser son esprit. Deux minutes après, un gros smiley lui fait une grimace. Elle regarde le test en se demandant pourquoi un smiley avec un sourire, c'est positif. Pour elle, c'est le grand drame. Elle aimerait beaucoup avoir un enfant, mais ce n'est pas du tout le bon moment. Elle ne pourrait pas aller au sommet enceinte de 8 mois. Ce serait ridicule. Elle perdrait toute sa crédibilité. Et même après. Si tout se passe bien, après la conférence, elle sera promue. Elle aura sans doute un poste de secrétaire d'État. Ce n'est pas du tout compatible avec des couches, des biberons et la rééducation du périnée. Elle aura le temps pour la maternité plus tard, après les prochaines élections. Elle entend déjà la voix du ministre lui dire « Vous avez entendu parler du planning familial ?» Toutes ses copines jeunes mères se sont vues balancer cette phrase par leur DRH ou leur manager. Femme ou homme, peu importe. Ses pensées intensifient sa migraine. Elle boit un verre d'eau et regarde ensuite ses doigts taper sur le clavier « Clinique IVG ». Elle prend rendez-vous pour la fin du mois. Elle ne le dira à personne. Ce sera son tout petit secret. Maintenant, le problème est réglé. Elle peut commencer à rédiger la contribution volontaire nationale. Elle pioche dans ses fiches les idées les plus courageuses, tout en restant dans les chiffres de la Red Line. Diminuer l'extraction des fossiles, poser des limites à la déforestation, réduire les subventions des plus grands polluants. Elle voudrait plaire à tout le monde. À son gouvernement, à l'ONU, un poste de haut fonctionnaire international, ce serait pas mal. Aux ONG, à la presse, aux scientifiques. Rien à faire sans l'assentiment de l'opinion publique. C'était Redline d'Alexandra Badea. Quatrième épisode. Avec Jacques Gamblin, le ministre de l'Environnement. Tiphaine Rabaud-Fournier, la négociatrice sur le climat. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Éric Villenfin et Pierrick Charles. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Baptiste Guiton.